Space Party avec le concours du USA Import Lille et Paris. Bonsoir amis de l'espace, le commandant Cocteau, COCTO à bord du 8ème Space Party. Space Party, c'est pour éviter d'aller dans une discothèque où il n'y a que de la funk, funk, funk, funky music. Space Party, pour dire stop aux crottes. Space Party, même Nicolas Perrac ne comprend pas. Avec dans la première session du non-stop, Alterne 8, Africa Benbala, Too Unlimited, PCP, The Traveler. Le cauchemar ne fait que commencer. Ah ouais. We'll be right back. most powerful handgun in the world and would blow your head clean off. Thank you. Space Party sur Énergie. Space Party. Techno is not yet dead. Space dead. Space dead. Space Party. Dead. Énergie, c'est encore moi, bande de Bouffoulkesh, le commandant Cocteau. J'ai pris le vaisseau, le Space Party, et je suis monté dans les airs, dans une galaxie appelée la Rêvemania. La Rêvemania, cette galaxie permet de trouver une signification à tous ces sons du futur. Je vous vois, bande de Bouffoulkesh, en train de vous trémousser. Oui, je suis au-dessus de vous, au-dessus de la Terre, dans les étoiles, avec dans la deuxième session du non-stop, Dev Angel, Deep Psy, Microboost, Beltam, Fiction, Jumbo, Aquastep. Allez, je vais faire une course d'OVNI. Une course d'OVNI. Et je vais gagner. A tout à l'heure sur la Terre. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Je vais gagner. Je suis le meilleur. Sur Énergie.